peut se faire le cercle comme ça ou prendre quand on a envie. Ok. Et il n'y a pas d'ordre, on dit tout ce qu'on veut. Ok. Et du coup, ce sera notre texte composé de la place comparaison. Ouais. Ouh, le vent se lève sur la place. Et en même temps que lui, le soleil revient. Fait trancher nos ombres sur le sol granuleux, immaculé. Silhouette graphique, gracile. Nous sommes projetés au sol par les ombres. Les dents de la tour s'aiguisent avec le vent. La tour nous domine, bienveillante. Au pied de la tour, nous sommes petits. L'échafaudage se met à cliqueter dans le souffle de l'air. Des échafaudages cliquettent et elles s'en mêlent. Le vent souffle à mes oreilles et me rappelle la plage. Le soleil dans mon dos aide à garder cette sensation, les yeux fermés. Le soleil s'en mêle aussi, ça réchauffe. Ça moutonne au loin, le silence est suspendu. Les nuages, froids, ils sont blancs, ils sont gris dans le ciel bleu. Herbe vert fluo sous le soleil, rythme récurrent des cloisonnements carrés. Nuage en alternance, ça s'en va, ça revient, ça s'en va. Ses dents, aiguisées, me regardent. Une mâchoire de requin immense. Ouvrir les yeux, le jaune de mon siège contraste avec le sol, de pierre, de béton. Mon ombre se reflète, nos ombres. L'espace est calme, non saturé. Tour, que je voudrais te gravir. Je voudrais te gravir, mais comme j'ai le vertige, je me tiens à tes pieds, la tour. Oui, ou alors on demande à Sandra de bouger, mais c'est plus simple que ce soit le seul outil. Ouais, parce que moi, il va falloir que je réfléchisse dans quel côté il faut que j'aille. Ouais, bah ouais, de documenter ce qu'on fait, ça peut nous servir. De comprendre à quoi correspond l'ombre. Ouais. Bah ça, je fais toujours un petit schéma et puis j'annote. Mais c'est aussi dans l'expo si on veut montrer un peu l'envers du décor. Parce que oui. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à découvrir le cyanotype et le fait que ça marche par révélation que nous... Au soleil, oui, non, moi ouais. Je ne savais pas du tout. Hein. Ben, je ne l'avais pas du tout expliqué. Hein. Enfin, j'avais juste dit ça prend l'ombre, non, mais... J'avais pas fait le topo en détail. Donc là, on a plus de 2 minutes. On va l'arrêter. Cette place est une invitation à l'imaginaire, une piste de décollage pour nos rêves. Décalé, décentré, le pic surplombe le rond. Décentré, face au centre, étoiles et matière du sol. Cours d'école en vacances avec ses jeux en attente, labyrinthe de pierre. La parole haute en couleur dans la ville couvre le son des voitures. Platanes ébouriffés, herbes drues, jeux et cris d'enfants. Un rond, coup de vent dans mes oreilles, ça rafraîchit. Bousculé par le vent, observé par ces êtres de pierre. Je vois une trouée de lumière vers les monts du Lyonnais. Les étoiles, les lignes qui s'entrechoquent en figures géométriques, sont-ce là les signes d'une écriture ancienne ou parallèle ? Parcourir la géométrie, celle de la tour derrière et celle de l'espace de jeu devant. Les piétons s'avancent le long du trottoir. Soudain, surgit le crieur, rouge. Hé, Roméo, tu viens écouter le crieur ? Mesdames et messieurs, mais vous ne le saviez pas. Il fallait passer par là. Et voici ce que les habitants du quartier, des érables, et d'ailleurs, ont dit en voyant ces ombres au sol grâce à cet artiste. Ce que là leur a inspiré finalement la ville. Grimper la colline comme on grimpe à un arbre, longtemps, interminablement et verdoyant, grimper et retrouver le ciel et s'émerveiller du bleu et de l'immensité. Un autre ou une autre dit « À l'ombre du parc du Vallon, je rêve en regardant la râpe à fromage où se réfugient les centaines d'aigles dans leur nid là-haut, sur la colline. » Encore une autre ou un autre, « Je rêve de balader une centaine d'aigles lumineux. Il me faut pour cela découvrir un monument lointain. » Il a crié, on a même entendu ce qu'on a écrit. Fraîcheur nuageuse en mouvement et chaleur soudaine. Oh, c'est délicat, c'est hyper beau. Oh, c'est vraiment délicat. Hein. C'est lequel celui-ci? C'est la tache dans, de lumière. La silhouette. Hein. Ah oui, dans ouais, l'ombre. Silhouette. Faut pas trop frotter hein, parce que tu vas enlever des petites particules de papier et ça va le blanchir. Ah pardon. Sinon on le laisse tremper. Hein, ce... Le papier est assez épais, c'est pas du papier aquarelle celui-là, mais il est quand même bien épais. Si c'est bon, bah, ouais, je dirais que c'est pas mal. Oh, on peut le laisser tremper. Enfin, comme tu veux, ouais, tu l'enlèves et puis tu peux. Bah, je sais pas, c'est, si je laisse tremper, ça fait quoi? C'est quoi la différence? Bah, s'il y a des parties qui ont encore du produit. Quand on a joué dans l'eau, c'est vraiment super. Oui. Bah quand il fait chaud comme ça, oui. Non, là, je pense que c'est bon, tout à l'heure, il y avait encore du verre. Elle est très belle aussi. Mmh. L'ombre mange le béton. L'ombre dessine des silhouettes d'animaux imaginaires. L'ombre s'éclaircit et laisse place au soleil. L'ombre des plantes s'allonge et s'étale sur la pelouse. L'ombre monte et grimpe à l'assaut des murets. L'ombre bouge inexorablement, lentement, jusqu'à disparaître dans la nuit. Ombre en chantier, ajourée, transparence, portée, grille au sol, rabattue au sol. L'ombre de la tour se déplace lentement et floue sur la tranche. Découpe l'espace en deux, sépare le frais du brûlant. Divise le monde minéral du monde céleste, radieux. Et bleutée, transparente, baigne le sol telle la marée. M'hypnotise quand je la fixe. Elle va se transformer, la forme va surgir du brouillard de sa bordure. Je cherche des yeux les angles naissants, l'irrégularité point. Des flammèches d'ombre frangent le bord comme les langues de feu de l'astre solaire. L'ombre des anciens bâtiments a été rejointe par celle des nouveaux. Celles-ci s'accrochent au béton et à la verdure, pensant peut-être qu'elles y resteront collées à tout jamais. L'imposant bâtiment d'habitation qui cache en son sein la vie, les histoires que nul peut entendre ou voir, voit son double noir se refléter au sol, bétonneux, arboré, pour rejoindre l'entrée des parkings, le trottoir où se baladent des familles, et se projette enfin sur ce gymnase, point utilisé en ce jour de vacances. L'ombre bouge inexorablement, lentement, jusqu'à disparaître dans la nuit. L'ombre modifie la couleur des bâtiments, tout doucement. L'ombre nous grandit de plus en plus. L'ombre se joue du vent et semble rester immobile. Les créneaux d'un château imaginaire apparaissent. Les dents d'un énorme pignon grandissent. L'ombre nous rafraîchit. L'ombre protège de la brûlure du soleil. L'ombre envahit. L'ombre est liée au soleil. Sans lui, elle n'est rien. L'ombre nous suit ou nous précède. Des ombres qui bougent. Une rue balise frissonne au vent et dessine des mouvements fugaces sur le béton. Je me tiens dans une cassure ombre-soleil, cassure-fracture. J'y ai mon yin et mon yen, ma zone d'ombre et de soleil. La ligne de démarcation obscurité-lumière, émouvante. Une géographie des ombres est improbable, car bien trop bougeonne. Ou alors, l'accepter dans son impermanence. Elle se pousse, se balaye. La chaleur la force doucement à se rabattre vers le sud. Attendre, y croire, persister. Le temps agit, même si on ne le voit pas. La ligne droite ne l'est plus. Les reliefs du balcon sont sortis. À force de la regarder, elle finit par changer. Cette ligne qui commence au pied de la tour semble infinie. De temps en temps, elle est zigzagante au fur et à mesure des passants qui viennent la déranger. Retirer cette ligne si parfaite. On en oublie qu'elle est due à cet astre blanc dans ce ciel bleu aujourd'hui, presque sans nuages. Il bouge avec lui, cette ombre qui, de toute droite, commence à se tordre. Debout, mon ombre bouge au gré de ma déambulation. Je reste statique, mais elle bouge quand même. Elle n'est pas dépendante de moi, je ne la contrôle pas. Si je tourne le dos au soleil, elle est devant moi. Si je lui fais face, elle est derrière moi. Impossible de la dompter. Nous sommes aujourd'hui des travailleurs de l'ombre. Ombre et ombre, l'homme et son ombre qui ne le lâche pas et ne se mêle. Si soleil, il y a, bien sûr. Le paysage sombre et pourtant riant. Les ombres et les sons ont en commun leur impossibilité de rester tranquille et de rester dans leur coin. Les créneaux sont là, des dents sorties du néant. J'ai assisté à une naissance, l'apparition de la forme. Elle s'affirme de plus en plus, noire, sur fond blanc. Les reliefs sont plus nets et marqués près du pied et s'arrondissent en ventre bombé en remontant. Qu'elle est sombre, avec ses dents pointues, la naissance de la forme. Tout objet a une ombre. Même ce banc statique en bois sur lequel je suis assise en possède une. Lui ne la voit pas, son ombre se déplace malgré lui. Petit, on joue à marcher dans son ombre ou à l'éviter. Adulte, nous ne faisons plus attention à elle. Dans les films, elle peut être maléfique. Mais n'est-elle pas tout simplement notre reflet, tout comme dans un miroir, mais uniquement en noir, faisant apparaître ce que l'on essaie de dissimuler, nos rondeurs, notre petite, grande taille. Je suis arrivé, j'étais à l'ombre, au frais, et maintenant je suis au soleil, au chaud. Cherchez l'erreur, mais sans doute il n'y en a point, c'est le caprice des ombres. Une ligne nettement crénelée, tétonnée, relie le pied de la tour au gymnase, traverse la rue et le trottoir. On croit voir un château fort, la tour de la Duchère. Votre quartier se reflète au sol, mais vous ne le saviez pas.